j'avais les moyens, je deviendrais alcoolique, mais pité, coup de gramin. Et je touche que le SMIC, je suis un fou du roi, un chacal des insomnies, je participe au développement de mon pays. Pour autant que je m'en souvienne, on n'avait rien fait de mal, mais on s'est fait bénin. Loser de la lutte sociale, mais comme c'est égal, on manifeste sur la place, mais comme pour la guerre, ils envoient les bidasses. Partir loin, choisirai la Belgique à Anvers sans chagrin, dans le quartier de la Trique. Mais je suis un hyperactif qui a plus envie de rien faire, qui flippe de sa cargaison à la frontière. Ouais, je ferai des folies si je gagnais au tiercé, mais mon bol est réduit et les paris truqués. On abuse des hommes comme on dope les bourrins, on range proprement la morale dans un coin. J'avais les moyens, ou peut-être un beau physique, une gonzesse à gros seins, n'importe quoi d'unique, quelque chose pour plaire, qui donne envie, qui fasse classe, et je serai aux affaires, au lieu d'être à la masse. J'avais les moyens, je deviendrais alcoolique, mais pité, coup de gramin. Et je touche que le SMIC, je suis un fou du roi, un chacal des insomnies, je participe au développement de mon pays.